Et tu sais qu'on va tout prendre avant que la terre s'arrête de tourner. Crime organisé font des tournées. Braquage et piratage de données. Hey. Pronostic vital engagé quand ça s'arrête de goumer. Trois fois la mise quand on a coupé. J't'entends parler comme si t'as tout fait. Hein? Ouvre le coffre, tout illicite, ici c'est tout pour le bloc. Pourrir ici, ici c'est tout pour le bloc. Mourir ici, ici c'est tout pour le gun. Ouais, un cendrier plein, un verre à moitié plein. J'ai des soucis et fuck tous ceux qui s'en plaignent. On a les meilleurs tapins, la meilleure marche. Et le produit transite entre deux plaies. On va remonter quand tu descends. Moi mes assos, brûlés depuis l'adolescence. Il faut qu'on ramasse. Les balles, il va rester que des cendres. Faut qu'on s'adapte. On tue pour nos mères, on est des anges. Pour eux, on est des diables. Tracker sous la caisse, j'connais le manège. Billets bleus, billets rouges, j'ai un phare dans la tête. On va remonter quand tu descends. Moi mes assos, brûlés depuis l'adolescence. Mais faut qu'on ramasse. C'est l'Italie, la Sicile, Piaggio Gilera au fond du bar. Jetons poker illégal, grosse gamme, casque intégral. Romanzo, deux sur la bécane, plusieurs casquettes, soldat général. 09 qualité végétale, tout est froid sous le Bottega Veneta. Voyou sous les champs des cathédrales, Armada sous la Canada, hey. J'suis pas là, j'suis là pour l'oseille. Ça fait longtemps que j'ai perdu mon sommeil. Hein. Qu'est-ce que j'm'en branle d'aller vivre au Bahamas. Si j'ai 2-3 millions et 2-3 famas. 4-4 fusées qui dépassent. J'y vais LIVS. On va remonter quand tu descends. Moi mes assos, brûlés depuis l'adolescence. Il faut qu'on ramasse. Des balles il va rester que des cendres. Faut qu'on s'adapte. On tue pour nos mères, on est des anges. Pour eux on est des diables. Tracker sous la caisse. J'connais le manège. Billets bleus, billets rouges. J'ai un phare dans la tête. On va remonter quand tu descends. Moi mes assos, brûlés depuis l'adolescence. Faut qu'on ramasse. Armada sous la Canada, hey. J'suis pas là, ou j'suis là pour l'oseille. Ça fait longtemps que j'ai perdu mon sommeil. Hein. Qu'est-ce que j'm'en branle d'aller vivre au Bahamas. Si j'ai 2-3 millions et 2-3 famas. 4-4 fusées qui dépassent. J'y vais LIVS.